En Corée, les usines du secteur de la sériciculture et de la soierie et la compagnie mixte de soierie de Pyongyang ont mis au monde de nouveaux produits de soins conformes au goût esthétique des Coréens. La jupe et la veste pour femmes, la veste et le pantalon pour hommes, la veste aux manches multicolores, la couverture de soie et autres espèces de produits à une dizaine d'étoffes, notamment soie multicolore et tissu à rayures multicolores étant variés, les couleurs sont jolies au toucher doux. Ces produits sont très demandés au supermarché numéro 1 de Pyongyang et au magasin de soie. La soie coréenne de longue date, légère et à une longue durée de vie, aux belles rayures et au toucher doux, est bien connue dans le monde.